prendre des Rice Krispies, puis chaque espoir vient créer de la légifération pour se défendre. Puis c'est un peu complexe ce que je vous dis là, mais ce que je vous dis, c'est que chaque pensée est totalement autonome et tient à s'alimenter. Alors, tu sais, on va prendre des Rice Krispies. Puis immédiatement, ouais, mais les cornflakes, là, c'est bon aussi en tabarnouche. Ouais, c'est vrai. On prend les cornflakes. Les Rice Krispies, là, ça là, ils vont en dedans de lui. Chaque petit espoir, c'est même pas d'information qu'il reçoit, chaque petit espoir vient se battre. C'est comme des entités à part. C'est comme des bébés, des entités à part. Puis nous, on va penser que c'est parce qu'on veut ne pas se tromper. Mais ça, là, c'est parce qu'on se fait ramasser comme il faut. C'est même pas pour ça. Toute votre vie, vous allez faire des échecs. Toute votre vie, vous allez vous tromper. Puis il y a des fois, vous allez vous tromper heureusement. Hein? Je me suis trompé, là, mais je vais gagner. Parce que fondamentalement, observez et admettez-le, vous ne le saviez pas au départ. Il y en a qui disent « Ah, moi, j'étais sûr! » Oh, ouais. Il y a des fois qu'on est totalement sûr, puis ça ne marche pas. Il y a des gens qui sont convaincus qu'ils sont des gens de décision, ils ont des plans de carrière en 5 oui. ans, 10 ans. Et à un moment donné, ben là, ils plantent totalement, ils s'en vont, ils s'effritent, ils sont sur le cul complètement. Ou encore, moi, je décide toute de ma vie. J'ai mon plan de carrière, je prends mes décisions. Comment ça va dans ta famille? Oh, c'est bien compliqué! Comment ça va dans ta santé? Ah, peut-être que c'est bon. Ah, mais ce qu'ils peuvent répondre, c'est que j'ai fait une erreur dans ma vie, c'est que... j'ai suis marié. Non, c'est que j'ai planifié. Ben, je pourrais dire ça, mais c'est... je me suis trompé. J'avais seulement planifié le côté professionnel. C'est parce que je ne l'ai pas planifié l'autre bord, parce que ça aurait fonctionné. Puis si on remarque, si la personne, elle se met totalement... Non, mais... Non, je comprends, elle peut répondre n'importe quoi. Elle peut répondre aussi... Mais c'est pas... Oui, mais... Mais le temps que ça marche, là, mettons son plan de carrière, là, le 5 ans que ça marche... Comment ça a donné avec l'astral? Ben oui. Prenez un 25 cents, là, puis décidez qu'il tombe sur pile, puis lancez-le. Paf! Hein? Ça va, hein? Ça va pas. Ça donne que ton ignorance, elle s'avère vraie. C'est tout. Tu ne savais pas plus. Oh, un instant. Moi, je suis télékinésie, je contrôle ça, on va recommencer. Pang! Hein? T'as vu? Commence là encore! Pfff! Pang! Ouais, t'aimais des fausses pensées, toi, là! Tu nuis à ma télékinésie, là! Vous ne savez pas! Il y en a qui sont tellement à chaque fois, j'ai été dernièrement dans un casino, puis c'est de voir la quantité de gens qui jouent et qui le savent qu'ils vont gagner. Là, ils l'ont! Ça marche pas! En tout cas, peut-être qu'ils gagnent, mais ça leur coûte cher! Alors, tu peux me dire n'importe quoi. La majorité des gens, si je les interroge pour savoir pourquoi tu as joué de même, j'étudie. Il n'y a presque pas qui perdent. Ils font des études. Ils étudient la mécanique. 300 000 piastres. J'ai vu un jouer à coup de 1000 piastres. Sorti de là, il était blême en maudit. Mais il devait être diplômé. Écrivait une thèse. Bon, mais là, tu dis que, bon, ça semble assez évident que la pensée, c'est pas nous autres, là. Mais ça, on le sait, mais comment ça se fait qu'on n'est pas capable? Je veux que tu observes chez toi! Oui, ben c'est ça, oui, mais ça fait un bout de temps que j'observe ça. Mais c'est ça, c'est que il y a une partie de moi qui voit ça évident, puis il y a une partie de moi qui continue pareil à penser que c'est moi qui décide, puis c'est moi qui la boîte de céréales qui va choisir ce que je vais prendre un matin, ou que je vais mettre telle affaire pour m'habiller, ou que je vais faire telle affaire, c'est moi qui décide. Je sais que c'est pas moi, mais il y a quelque chose de moi qui continue à garder cet engrenage-là. Oui, c'est embêtant, que, ça, là. Ben oui, c'est sûr que c'est embêtant, parce qu'à un moment donné, c'est que tu vas avoir de plus en plus accès à de l'information pure, et tu pourras jamais t'en servir, parce que tu es continuellement obligé de travailler avec l'information mémorielle, l'information planétaire. La majorité des humains, probablement, toi y compris, un petit peu moins probablement, mais quand même, l'humain essaie d'être bien vu par autrui, ça veut dire que l'humain essaie d'être comme les autres, ça veut dire que l'humain essaie d'être dans la pensée collective. L'humain se sent heureux s'il n'est pas en dissonance, en déchirure, en marginalité en face de la pensée collective. Si tout le monde trouve bien d'avoir des moustaches chez les gars, ils vont tout en avoir. Si tout le monde trouve que ça fait cochon, ils en auront plus. Puis l'humain essaie, comme les jeunes à l'adolescence, ils essaient de rejoindre un groupe, de se créer une identité. Mais le professionnel veut avoir une identité. La femme veut avoir son identité, L'homme veut avoir son identité, puis dépendamment des égrégores, t'as une identité macho, t'as une identité intelligente, t'as une identité très féminine, t'as une identité très sexe symbole, t'as des identités. Mais l'humain recherche quoi? C'est uniquement des vagues de pensée. Puis parce que la pensée majeure, par exemple, qui t'habiterait, toi, ça serait une pensée d'être un symbole sexuel, bien nécessairement, tout dans l'astral qui a rapport à ça, tu le ramasserais. Puis tu essaierais de te transformer en fonction de ça. C'est sûr que lorsque tu te rends compte que finalement, tu es un jouet complet et total, il y a des gens qui commencent à faire du sport parce qu'ils ont vu l'intelligence d'être en santé. Non, la majorité vont le faire pour la mode. Il y en a qui commencent à vouloir maigrir. On leur dit, vous êtes mauditement plus beau, plus belle si vous êtes un peu plus maigre. Mais ce n'est pas une question d'intelligence. C'est une question d'être accepté par la pensée collective. Alors, l'humain ne fait à peu près rien par intelligence. L'humain fait à peu près tout uniquement par manipulation au niveau de la pensée. Ce que l'être humain doit commencer à faire à un moment donné, c'est se retrouver lui. Tu sais, il y a plusieurs personnes qui essaient de se connaître. Mais tant que tu essaies de te connaître en réfléchissant sur ce que tu es, tu ne trouveras jamais rien. Mais tu vas trouver ce qui n'est pas toi, finalement. Bien, c'est absolument évident. Tu vas trouver la chaise. Tu vas penser qu'elle est verte. Puis elle est toute sauf verte. Même s'il y a... Mais l'entend. Oui, mais à un moment donné, on dit, OK, on se fout bien de la couleur, mais c'est une chaise, puis on peut s'asseoir dessus. Exact. Parce qu'il faut être opinionnisé. Si j'en mets une brune dans ton salon, tu ne trouveras plus de couleur. Oui, mais ça, je vais comprendre que c'est du charriage par la pensée. Puis qu'est-ce que tu fais maintenant que tu es charrié par la pensée? Ben là... Tu prends la brune ou tu prends pas la brune? Tout ton mobilier vert. Non, mais à un moment donné, tu sais, faut que tu t'assoies. Fait que là, tu dis, on va s'asseoir, puis on pensera à la couleur demain. Tu demandes à ta femme de mettre une robe verte, t'as fait asseoir sa chaise. Là, ça va, puis le mobilier. La question de François est correcte. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand tu te rends compte que ce n'est pas toi qui penses, puis ça, il faut... faut juste s'arrêter 2 secondes et demie. Faut pas avoir... C'est sûr que si, comme tout à l'heure, tu disais, la personne, elle peut dire n'importe quoi. Plus votre ego va être gros, plus vous allez refuser d'admettre, d'observer que c'est pas vous autres qui pensez. Vous allez passer un examen. Vous êtes nerveux. C'est vous autres, ça? Ça, vous voulez être nerveux? Vous êtes préparé à être nerveux? Vous êtes entraîné à être nerveux, à être nerveuse? Non. Bon. Là, vous dites, ouais, mais d'un coup que je coule, là, je serai pas. Vous voulez passer une entrevue pour avoir un emploi? Ça pense-tu dans votre caboche? Pense en maudit. Pas vous autres, là. Et respirez par le nez, là. Puis vas-y donc. Mais ça pense. Mais pourquoi qu'on va... Tu vas juste te faire opérer, mettons, une vasectomie ou une hystérectomie. C'est un peu plus compliqué. Les gens appellent ça, là, que j'ai eu la grande opération. Franchement, écoute, ils t'ont ôté le cœur. Non, c'est une anesthésie locale. On a coupé 2 petites fils. La grande opération. Puis là, juste une petite opération. Tu vois que je suis le dentiste. Tu penses-tu avant? Si on pouvait enregistrer... toutes les pensées des gens assis dans les chaises dans la salle d'attente du dentiste, là, on pourrait en faire des bobines de film complètes. Ça pense en tabarnouche. C'est pas toi qui penses. T'es là, ouais, mais là, je sais souvent. Ça s'en vient, ça se promène, ça s'entrechoque. Il faut que l'humain comprenne qu'il est l'objet total d'une mécanique de pensée. Que dois-tu faire malgré que ça pense? On en revient là à se conscientiser, à développer un contact avec son intelligence. L'intelligence supramentale, on va en parler à la prochaine conférence. On doit s'arranger pour prendre son corps puis le bouger. Puis ça, l'humain a encore énormément de difficultés. Puis pour en parler convenablement, il faudrait que je déprime l'humain au maximum. Pour parler de quoi? De l'intelligence, de faire ce qui doit être fait. Mais pourquoi le déprimer? Parce qu'il veut pas, déprime. Mais je comprends pas pourquoi faudrait que tu nous déprimes. Ben je sais, mais là, si je vous l'explique... Non, mais si tu l'expliques si l'explique pas, on va déprimer. C'est pas un bon argument, ça. Non, le régisseur va se déprimer. Je vais être encore plus déprimé, je suis seul. Parce que moi, le régisseur va rire. Moi, si t'es, il va t'en regarder pour rire. Mais, je peux en parler un petit peu, mais ce qu'il faut comprendre, simplement, c'est que, présentement, l'être humain, et dans, je vais en parler un petit peu, une petite déprimette. Mais tiens, en le disant, ça déprime un peu moins, mais je n'irai pas trop profondément. On fera 3-4 farces, là, puis... Je n'irai pas trop profondément. Vu qu'il y a une conférence après, de toute façon, on peut expliquer d'autres choses. Vous êtes venu au monde, hein, vous avez constaté. Pas pire. Les jeunes disent souvent, je n'ai pas demandé à venir au monde, effectivement. Vous ne vous en rappelez pas, en tout cas, si vous l'avez demandé. Puis si vous l'avez demandé, vous avez tout manqué votre coup, vous avez tout mal choisi, hein, c'est ça? Bon. On n'a pas le bon corps, on n'a pas les bons parents, on n'a pas la bonne vie, on n'a pas, bon, etc. On finit par s'habituer, on finit par s'adapter, on finit par penser qu'on a le bon. On passe notre vie à se colorer, à le changer, à s'habiller différemment, à se maquiller, puis à s'empêcher de vieillir, puis on est sûr qu'on a le bon. Oui? On voit. On est sûr, tant qu'on se compare, là. Ouais, mais un jour, dans ta comparaison, tu as de moins en moins l'incertitude que tu as le bon. Et à un moment donné, tu dois être plutôt sûr que tu n'as pas le bon. Si vous aviez choisi le bon corps, il vieillirait pas, il serait jamais malade, il aurait pas besoin de manger, puis il aurait pas besoin de sommeil. C'est pas la, c'est la planète qu'on n'a pas bien choisie. C'est le minimum, là. Ouais, dans ton cas, tu choisirais une autre planète, je comprends. Non, mais tu sais, il faut admettre les choses. Ah, moi, j'ai choisi ma vie. Tu vois, ben, t'es pas brillant, brillant. Non, mais là, ce qu'on peut, les réponses qu'on peut avoir là-dessus, c'est les questions de karma, tu sais. Il faut bien s'expliquer les choses, ouais. Effectivement. Mais ça, là, je vais pas parler du karma pour l'instant, là, mais je fais partie du mensonge cosmique, le karma. 99,9% du karma est abandonnable immédiatement, instantanément, on n'en parle plus. Il reste un petit karma génétique, ça, qu'on est capable de le transformer. L'être humain, il vient au monde, il vit. Tout ce que vous faites dans votre vie, tu n'es primaire, mais pas fort, là, bon. Tout ce que vous faites dans votre vie, là, tout ce que vous avez fait jusqu'à date, puis là, c'est mort, hein, bon. À quoi ça vous sert de vivre? Honnêtement, là, ici ce soir, là, à quoi ça vous sert d'être dans des carcasses de chair, de devoir tout faire pour les entretenir, de devoir tout faire pour les embellir peut-être, de devoir tout faire pour les empêcher de vieillir, mais de toute façon, ils vont finir en train de pourrir ou bien non, calciner dans un four. Bon, oh, c'est un fait. Calciner dans un... Ah, OK, je pensais le low-cost. Non, mais non. C'est au 20e siècle. C'est pas les prophéties. C'est des mémoires juives, tu dois tout le monde lever. Elle pense que c'est des prophéties, tu fais là. Non, c'était des mémoires juives qui y étaient. C'est pas des prophéties. Alors, à un moment donné, ben moi, là, j'ai réussi ma vie, j'ai une grosse compagnie. Tu vas mourir. Tu vas mourir. C'est temps que tu commences à y penser, là. Pas à mourir, mais à quoi sert la vie, bordel? Bon, moi, j'ai fait ça, moi, léguer ça à mes enfants. Ils vont tout dépenser, puis ils vont être ruinés dans deux générations, probablement. Puis ils vont mourir. Ouais, en plus. Tes beaux petits-enfants, là, t'as tout donné pour eux autres, là, à un moment donné, ils vont faire le sacré-là, peut-être même pas. Une chose certaine, c'est qu'ils vont finir par pourrir, eux autres aussi. Bon, je ne veux pas déprimer trop, mais ce qu'il faut comprendre, vous faites quoi? Napoléon, vous pouvez aller pisser sur sa tombe, il ne fera rien. Ah, il y en a qui disent le contraire, par exemple. Ah oh, ouais. Ben attends, dans quelques années, tu iras pisser ça là, la tombe. Les papes sont morts. Il y a des papes qui ont été fous. Il y a des papes qui ont été innocents. Il y a 101, 102, 103. Les rois sont disparus. Il n'y a plus d'humains qui sont passés qu'il y en a actuellement sur la planète. Puis moi, ce que je veux qu'on comprenne bien, c'est que quoi que ce soit que l'humain, on parle de pensée, là. Tu es là que tu as foutu pensée, tu essaies de faire des bebelles, tu as ton petit magasin, c'est bien fun. Tu es professeur de conditionnement physique, bon, tu donnes l'exemple aux élèves. Voyez, là, si vous en faites pas, ça ressemble à ça. En tout cas. Ah ouais. À un moment donné, il va être sur son lit de mort, s'il est chanceux, il va être dans le lit. Puis toutes les fois que tu aurais peut-être dû prendre la chance d'essayer de comprendre ce que tu foutais sur la bordel de planète, où tu ne l'as pas fait, là, bien, là, il est un petit peu tard. C'est sûr que ça ne veut pas dire que tu abandonnes ton emploi, tu abandonnes ci, tu abandonnes ça, tu te rentres dans un ashram et tu essayes de comprendre, tu ne comprendras pas plus. Mais ce qu'il faut comprendre absolument, c'est que le moindrement, vous avez un peu d'intelligence. Un peu d'intelligence qui part chez toi, à un moment donné, tu te rends compte que ce n'est pas toi qui pars. Tu te rends compte que la vie que tu mènes, ce n'est pas ça. Es-tu heureux dans ton magasin? Je ne suis pas là souvent. Bon. Ça va-tu bien les affaires? Oui. Bon. Ça va-tu ton goût? Non. Bon, si tu gagnerais 200-300 000 par année, là, ça irait de ton goût? Oui, plus. Ça irait de ton goût ou pas? Mais c'est pas juste l'argent qui fait... Ça irait de ton goût ou pas? Non. Bon. Et si tu gagnerais 1 million par année? Pas plus. Bon, pas pire. Mais au début, son ego répondait oui. Et il s'intelligencie un petit peu, là, et il se rend compte que c'est pas ça, là. Fait que c'est pas le bon gars qui pose les questions. À un moment donné, ça va 300 000, mettons. Ça va bien 300 000 par année. Mais votre vie, là, si tu travailles, pas ça. Il faut comprendre le principe, là. Pas ça. Ouais, mais j'ai pas le choix. J'ai rien contre, mais c'est pas ça. Passe ta vie à travailler, foutu bordel, la moitié de ta vie. Avant, on allait à la chasse, puis on allait à la criette. C'était le fun en maudit. Ça n'avait pas le temps de faire grand-chose. Tu allais à la chasse, tu bouffais, tu retournais à la chasse après, tu rebouffais, tu cueillais, puis l'hiver, ben l'hiver, tu collais, tu huilais, tu recommençais. À un moment donné, non, c'est mieux, c'est plus confortable, mais tu passes encore ta vie à travailler, passez votre vie à manger. Combien de temps vous perdez dans votre vie à manger, à dormir et à travailler? « Ah, mais j'aime ça, mon travail! » C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Mourir pareil, c'est une bonne chose, mourir pareil. Bon, la question n'est pas là, c'est que l'être humain doit faire d'autres choses. C'est sûr que tu continues à travailler, parce que présentement, comme tout à l'heure, on disait, là, t'es dans un clan de criminels. T'es dans un mensonge cosmique total. Le moindre moment, tu te rends compte, à un moment donné, « Crime, ce que je fais là, c'est pas correct, dans ton clan de criminels. Mais démissionne pas tout de suite, tu vivras pas. » On te laissera pas partir. Mais tu commences à en prendre conscience, bien, commence à changer. Alors, c'est évident qu'il faut que l'humain finisse par avoir, mais la pensée fait tout pour te cacher ça. La pensée vous fait croire n'importe quoi, jusqu'à venir vous dire, écoute, tu te souviens gros dans ce vie-ci, là, mais au paradis ou dans une autre incarnation, ça va aller mieux. Promesse de politicien. Promesse de Dieu. C'est après. Là, on vous évalue, là. On fait souffrir au maximum. Mais l'autre là-bas, là, qui ne souffre pas, j'ai chié un maudit, Dieu ne l'évalue pas. Grand repos au ciel. En veux-tu des dissonances cognitives? C'est majeur. Bon, là, tu vis, tu as ton magasin, tu as des décisions à prendre, tu te rends compte que ta pensée vient charrier à un moment donné. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est qu'on doit arrêter la roue de toute la mécanique au complet, là, puis se replacer comme un être humain intelligent. Bon, c'est sûr qu'il faut être intelligent. On va en reparler de toute façon. Chaque matin, en te réveillant, si tu regardais ta chambre en te demandant là, qu'est-ce que tu fous sur le vaisseau spatial qu'on appelle la Terre, c'est sûr que tu ne changeras pas le monde du jour au lendemain, mais au minimum, juste prendre conscience que là tu es en train de gruger du temps. Pas énorme, tu as peut-être grugé 100, 120 ans, toi, sur 15 milliards d'années, c'est sûr, c'est pas panique cosmique, là. Mais pour toi, en tant qu'être humain, c'est important. Mais il faut absolument que l'être humain... L'humain, là, moi, je sais des choses, on va en parler de toute façon, que l'humain ne sait pas, puis que l'humain peut savoir. Je parle pas de connaissance, je parle pas de pensée, je ne pense pas ce que je dis présentement, je m'écoute parler, je me trouve intéressant. J'apprends. Bon. Mais si je me mettais à penser, je saurais déjà tout. C'est comme des fois, là, je fais des nouvelles farces, puis je les ris, sont bonnes. Mais si je me contente toutes les farces que je connaîtrais, tu sais, je rirais pas. Il sera bon aussi, mais je rirais pas. L'être humain, il doit absolument prendre conscience, suite, là, qu'il doit cesser de niaiser. Il doit cesser de niaiser. Ça ne l'empêche pas de vivre d'une façon confortable. Ça ne l'empêche pas d'aller jouer au golf. Mais pas d'en faire un plat parce que la balle est rendue dans le champ. Tu sais, à un moment donné, elle rentre dans le sable. Ça fait à peu près, tu es en train de déménager une pile de sable. Un coup de crème sur le gazon, mets une autre balle, on continue à jouer. C'est juste la vie. Mais l'humain, il s'en fait avec tout ce qu'il peut trouver uniquement parce que dans sa tête, ça vient penser. Ça vient rendre complexe toute l'affaire. Ça vient responsabiliser l'humain. C'est un terme que j'entends de plus en plus dans les milieux scolaires. Il faut responsabiliser les jeunes. Oh là là, il ne t'intéresse à rien. Il ne le responsabilisera pas. Ça ne peut pas fonctionner. Mais l'humain, il doit se détacher de tout ça. Tout ce que vous avez fait de mal dans votre vie, là, c'est pas de votre faute. C'est pas que je vous pardonne. Pas de votre faute! On vous a charrié et on vous a eu à l'os. Puis après, bien en plus, dans la pensée, on vient de dire à l'humain que c'est de sa faute. Il n'aurait donc pas dû faire ça. Vous allez être les premiers à admettre avec moi que si vous auriez su ce que c'était pour faire, vous ne l'auriez pas fait. Fait qu'il y a rien à vous informer comme du monde. Mais il n'y a pas d'informateur pour informer l'humain comme du monde. L'humain, là, il est une bille de billard aléatoire perdue au fond de la galaxie. Il a accès à l'intelligence, mais l'intelligence n'est pas présente sur le plan planétaire présentement, elle doit être descendue par l'humain. Pour être descendue par l'humain, il faut absolument qu'il y ait des êtres humains qui cessent d'évoluer, puis qui commencent à se conscientiser. L'évolution, c'est le remanchage sans arrêt de la sagesse humaine, c'est-à-dire de toute l'expérience ancestrale. C'est ça, l'évolution. On évolue parce que, bon, on se rend compte qu'effectivement, il faudrait bien qu'on vive en paix un petit peu. Tu sais? Eh oui, il y a encore des guerres partout, il y a toujours eu des guerres tout le temps. Puis finalement, l'évolution humaine, c'est juste qu'elle prend conscience qu'elle devrait faire ce qu'elle a toujours voulu faire, mais qu'elle n'a jamais fait. La conscientisation, c'est le contact avec l'intelligence, puis il y a seulement un être conscient qui est capable de comprendre ce que je dis. Un être intelligent, pas intellectuel. Pour qu'un être conscient va être capable de se rendre compte que ce qui se passe dans sa tête au niveau de la pensée, c'est pas lui. C'est pas parce que Daniel Kemp le dit. Faites juste faire des essais pour contrôler votre pensée, des essais pour contrôler votre stress, des essais pour contrôler tout ce qui se passe chez vous, vous allez voir que ça ne fonctionne pas, ça ne vous appartient pas. OK, à partir de ce moment-là, comment on fait pour arrêter de niaiser? Parce que de toute façon, la pensée ne voudra pas qu'on arrête de niaiser. Ben, c'est évident que lui-même va se faire ramasser. Puis si toi, tu commences à te centrer, ta femme va commencer à se décentrer encore plus pour te ramasser toi. C'est une autre mécanique, c'est qu'au niveau de l'astral, au niveau de la pensée, il y a des forces qui ne ce sont pas des êtres, ça ne pense pas dans le sens que ça n'a pas de désir particulier, ça a des obligations mécaniques, exactement comme le feu vous brûle, mais le feu ne veut pas vous brûler. Le feu ne veut pas ne pas vous brûler, le feu vous brûle. C'est simple. Comprends les lois du feu, le feu ne te brûlera pas, puis il va pouvoir te servir même à te chauffer. Mais le feu est bon pour nous. Le feu n'est pas bon pour toi, il ne veut pas te chauffer. Le feu, il est là. L'astral, c'est la même chose. L'astral a besoin de t'alimenter. Alors, à un moment donné, si toi, tu commences à te centrer dans ton intelligence, donc, tu commences à vivre sérieusement en cessant de te prendre au sérieux, bien, ce qui va arriver, c'est que l'astral va s'arranger pour faire penser ta femme, faire penser tes enfants, faire penser tes voisins ou les gens avec qui tu vis, de façon à ce qu'on te récupère dans le monde de la pensée. Donc, qu'on vienne t'obscurcir. Et c'est pourquoi la majorité des êtres qui, à un moment donné, ont touché un petit peu à l'intelligence, donc à quelque chose d'autre que la pensée, se sont dit, on doit, pour parvenir à un contact, disons, plus centré, on doit avoir de la solitude. On doit se retirer du monde. Uniquement parce qu'on ne veut plus être embarrassé par les corps physiques qui sont charriés. Mais quand tu reviens dans le monde, tout t'attend. C'est fait. Les grands maîtres n'ont jamais eu d'enfants, jamais eu de mari ou de femme, n'ont jamais eu d'amis. Les grands maîtres s'arrangeaient pour la paix. Bon, les grands maîtres, il faut s'entendre, là. Mais comment fait une personne, bon, ça pour les pensées émotives, les jugements et tout ça, ça c'est une chose qu'on peut commencer à travailler. Mais une personne qui est prise à travailler dans un milieu très intellectuel, où ils font des réunions, puis ils se cassent la tête, puis elle veut cesser de penser. Mais qu'est-ce qu'elle veut penser? Mais là, tout est orchestré. Est-ce que tu es un fonctionnaire ou pas? Ça peut être ça, ça peut être... Si tu es un fonctionnaire, elle est quand même... Qu'elle fasse rien, ça va, passer ou s'occuper que les autres. Non, mais dernièrement, j'ai vu un gars, il travaillait pour la boulavoirie, puis il va voir son boss, puis il dit, j'ai cassé ma pelle. Puis le boss, il a dit, c'est pas grave, elle coûte tout sur le camion. C'est pas... Non, mais un cadre supérieur d'une grosse compagnie, là, ouais. Eux autres, là, eux autres, il faut qu'ils pensent, il faut qu'ils planifient, il faut qu'ils... Ils se cassent la tête, eux autres. Je le sais qu'ils se cassent la tête, eux autres. La seule chose qu'il y a, c'est que j'en ai rencontré des casse-têtes. Puis, au bout de 5 heures, au bout de 10 heures, au bout de 20 heures, ils finissent par être d'accord pour ce qu'ils ont dit au début. Oui, je sais, mais moi, je parle d'un individu qui est là-dedans. Oui, je pense pas, je m'en fous. La question, elle est intéressante, la question, tu sais. Bon, que dois-je faire dans un contexte où je suis engagé pour penser? Pense plus. Ta vie, vis-la. Je vais dans une réunion d'affaires, à un moment donné, il y a une... Mais il faudrait que... Vas-y, puis... Bon. Il y a un bonhomme que j'ai connu, lui, justement, il était dans une grosse réunion d'affaires, il venait d'être engagé. Là, on fait une grosse réunion, là, ça se met à penser. Fait que là, chacun pense à sa façon, évidemment. Chacun a un véhicule différent, ça s'obstine à plus finir. Puis lui, à un moment donné, il pense plus. Il n'y revenait pas. Une grosse compagnie. Puis à un moment donné, bien là, il demande son opinion. Il ne disait pas un mot. Bon, vous, monsieur machin, qu'en pensez-vous? Il n'avait pas pensé du temps. Il était observateur, puis il laissait ça aller. Là, ça gueulait par là. Fait qu'en pensez-vous? Bien là, il dit là, le problème fondamental ici, c'est là ce que je te compte là, c'est que lui, là, bien, il y a un problème majeur avec lui, là, puis il l'haït. OK? Puis l'autre là-bas, là, t'es un maudit pissou. Puis tout ce qui compte, là, c'est pour rien bouger. Mais là, ça a acheté, là, ça s'est tout mis obstiné. Là, le boss a fait taire tout le monde, il a pris le gars à part, puis il lui a demandé, « Dis-moi donc qui je devrais éclairer de mes réunions. » Il a dit, « Éclairer ce monde-là, ils se sont assis, puis ils ont pu penser, ils ont agi. » C'est sûr, vous allez dire, « Ouais, c'est un coup de chance. » Non. C'est le problème. L'humain a tellement pas confiance à être capable d'être efficace sans sa maudite pensée, qu'il est toujours en train, finalement, de penser qu'il a besoin de sa pensée. Mais pour faire ça, il ne faut plus être entre les deux. C'est évident qu'il ne faut pas faire de bourrassisme. Il faut absolument que tu sois là. Non, c'est vrai, vous êtes mieux d'être dans le monde de l'illusion ou dans le monde de la conscience, mais entre les deux, c'est compliqué en maudit. J'ai déjà essayé, moi, quand je suis jeune, de voyager sur le quai puis sur le bateau. Puis j'ai voyagé ni sur le quai, ni sur le bateau. J'étais dans l'eau. T'es en âge. Tu dis, il faut arrêter tout ça puis vivre. Mais il faudrait bien expliquer, c'est vivre, c'est quoi vivre? C'est quoi la vie? Non, pas besoin d'expliquer c'est quoi vivre. Mais ça aiderait à déterminer si c'est quoi... Quand... Mais non, ça va t'aider c'est à quoi? Penser à vivre, mais... Cesse de penser. Marie, tu ne pourras pas cesser de penser. Mm-hmm. OK? Écoute plus ta pensée. Ça va être déjà énorme. Mais là, l'humain va se dire, si j'écoute pas ma pensée... J'écoute quoi? Hein? Ça vous dites, là? Bon. Alors, ça veut dire déjà qu'on doit admettre, vous devez comprendre le principe, si vous posez la question, déjà comprenez bien, c'est pas vous la pensez. C'est très simple. Je me suis motivé. On peut pas se motiver. Je me suis finalement convaincu. Je me suis décidé. On peut pas se convaincre, on peut pas se décider. Comment pouvez-vous faire quelque chose vous-même si vous ne l'avez pas? L'humain, tout ce qu'il peut dire, c'est j'ai réussi à convaincre ma pensée, j'ai décidé mon ego, j'ai reprogrammé, j'ai motivé mon ego, je me suis raisonné. Ben voyons donc! Le « je » raisonne. Qui? Et le « je » raisonne pas le « je ». Je me raisonne. Tu ne te raisonnes pas. Mais l'humain mélange tellement, il pense tellement que les mécanismes de pensée, les mécanismes d'ego, c'est lui, qu'à un moment donné, il dit « Qui suis-je? » Qui pose la question? Ben, moi, Socté. Oui, mais qui suis-je? L'humain a ce qu'il faut pour être capable de voir clairement, mais cette chose, vous autres, là, vous ne posez jamais de questions dans le genre « Qui suis-je? » Vous ne posez jamais de questions dans le genre « Comment dois-je vivre? » Vous posez jamais de questions dans le genre « À quoi sert la vie? » Vous posez jamais de questions dans le genre « Est-ce que Dieu existe? » ou « Qui est Dieu? » etc. Jamais! Vous embêtez pas avec ça. Oui, mais la pensée, ça s'arrangera pas pour que... La pensée, elle s'organise, je vais t'en mettre plein. C'est ça. Dans un endroit, l'humain se pose des questions sur, par exemple, « À quoi sert la vie? » dans un monde où c'est à la mode. Et quand je vais rencontrer des indigènes là, dans la jungle, ils se posent pas la question « À quoi sert la vie? » « À quoi sert le singe? » Ils savent, ils connaissent la réponse. Le singe sert à nous nourrir. Mais ils doivent penser moins aussi. Mais c'est évident qu'ils pensent moins parce qu'il y a moins de pensée, il y a moins d'astral, là. Mais pourquoi ils n'ont rien fait? Mais c'est sûr. Mais par contre, ils vivent aussi bien sans pensée. Non, mais ça veut dire plus tu avances, plus tu as des problèmes avec la pensée. C'est évident. Et pour que l'humain finisse par se centrer dans son intelligence, de toute prochaine conférence, on parle d'intelligence supramentale, ça va donner énormément, ça va expliquer. Mais, ça, c'est un phénomène que j'ai encore la difficulté à cerner. Je comprends, mais c'est bizarre que l'humain ait des difficultés à clarifier sa tête. Quand tu te donnes des coups de marteau, bon, tu as mal un peu à l'orteil droite. Tu prends un marteau, tu te tapes sur la tête. Paf! Tu n'as plus mal à l'orteil droite. Tu as mal à la tête. OK? Là, moi, je dis à l'humain, quand vous vous tapochez la tête, vous vous faites plus mal. Alors, cessez de vous taper sur la tête. OK? Là, vous me dites, oh, c'est vrai qu'on se fait plus mal, mais si je me tape pas sur la tête, j'ai mal à l'orteil. Donc, je suis obligé de me taper sur la tête. Moi, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que ce que vous faites qui est pire, bien, au départ, le faites-le plus. Ouais, mais mon mal d'orteil, ça n'a rien à voir. OK? Ça n'a rien à voir. J'ai pas réglé ton mal d'orteil. Mais cesse de te taper sur la tête, c'est pas ça. C'est déjà une idée. Il y a énormément de personnes qui font des choses, comme par exemple la pensée. Si je cesse de penser, va faire quoi? La pensée te fourre à l'os. Fait que je répondrai à la prochaine conférence. Bon, si tu cesses de penser, tu fais quoi? Mais au départ, la pensée te niaise. Fait que c'est pas qu'est-ce que je vais faire si je pense plus. La pensée te niaise. Au départ, cesse de penser. Après, on pourra travailler le reste. Mais si tu te dis, non, on va continuer à penser jusqu'à temps que ça amène d'autres choses. Juste à penser, c'est le problème. Bon, lui, c'est qu'au départ, la pensée, elle vous amène de même tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais jamais ce que tu veux, tu sais jamais où tu veux aller. Tu sais un petit peu, tu sais plus le lendemain, tu regrettes la pensée, tu dors pas, tu le végètes au départ pour comprendre que la pensée, c'est libre. Et on va revenir sur l'intelligence mentale dans la prochaine conférence, puis vous allez voir que c'est pas penser qu'il faut faire. On prend une pause.